Je la retrouve plantée devant ma porte dès que revient l'été. Je ne sais pas quel bon vent me la porte, mais avec elle tout devient gai. Et nuit et jour, voilà qu'elle klaxonne pour partir avec moi. Je dois vous dire que ma voiture est folle, c'est une explosion de